Ariste, Ndikomanyanga. Bienvenue à ce journal. D'abord, les titres. Les habitants de la capitale économique et surtout ceux qui exercent des activités génératrices de revenus nécessitant le courant électrique déplorent toujours les coupures intempestives de cette énergie. C'est au moment où les autorités du secteur d'énergie ne cessent de promettre que cette question va trouver solution, mais en vain vous l'entendrez. Les agriculteurs de Kayanza déplorent le manque de semences sélectionnées de maïs et les intrants agricoles en cette période de la saison culturelle. Mais le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage tranquillise. Et la chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi, nous parle des messages qui appellent au soulèvement. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les coupures intempestives du courant électrique dans Bujumbura, la capitale économique, perturbent toujours les activités génératrices de revenus des citoyens. Certains citadins qui exercent ces activités au centre-ville de Bujumbura signalent que c'est une grande perte car ils peuvent passer plusieurs heures sans travailler. Ils déplorent cependant le fait que les autorités du ministère de l'Énergie et celles de la Régie des Eaux ne cessent de promettre que cette question de coupure de courant va trouver solution, mais en vain. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Certains citoyens qui ont des différentes activités qui demandent le courant électrique au centre-ville de Bujumbura disent que les coupures intempestives du courant électrique paralysent leurs activités quotidiennes. Ils signalent qu'ils passent plusieurs heures sans travailler. Ça perturbe nos activités parce que notre travail dépend exclusivement de la disponibilité du courant. Donc si on n'a pas de courant, on ne peut pas travailler et c'est un problème parce que nous dépendons de notre travail et notre vie dépendent directement de la disponibilité du courant. Depuis le matin, on est arrivé ici, il n'y avait pas de courant depuis 8 heures du matin jusqu'à maintenant, donc on n'a rien fait depuis le matin. Si le courant se coupe à tout moment, ça perturbe nos activités génératrices de revenus qui ont besoin du courant à tout moment. Moi, je suis couturier. Si je donne un rendez-vous à un client pour récupérer ses habits, s'il trouve que je l'ai menti parce que j'ai pas eu du courant, ça devient un problème. Si le courant n'est pas disponible, toutes nos activités s'arrêtent. Ici en ville, presque toutes les activités exigent du courant. Ces citoyens du centre-ville de Bujumbura demandent aux concernés à tout faire pour trouver solution à ce problème de ces coupures intempestives du courant à tout moment. Nous demandons qu'on puisse disponibiliser du courant parce que maintenant, il y a des gens comme nous. L'activité et le travail dépendent directement de la disponibilité du courant. Ces citoyens du centre-ville de Bujumbura disent qu'ils se sont organisés en achetant des groupes électrogènes pour sauver la situation, mais suite au manque du carburant, ces groupes ne servent à rien et ça reste toujours un problème, ce qui les empêche de continuer leurs activités. Merci à Jean-Marie Mayonga pour ce reportage. Concernant ce problème, le ministre de l'Énergie a indiqué qu'il est dû à une quantité insuffisante d'énergie et à la vétusté du réseau électrique, surtout en mairie de Bujumbura. Lors de l'émission publique animée à Makamba, fin juin, Ibrahim Ouidzeye a expliqué qu'il est survenu des difficultés au niveau de la centrale hydroélectrique de Rusumo Falls, prévu avoir commencé à alimenter en énergie. Il a cependant tranquillisé que cela trouverait solution au cours de la première semaine du mois de juillet et de ce fait mettre fin au problème de coupure d'électricité. Le problème de coupure d'eau courant est dû à deux raisons. Premièrement, c'est suite à une faible quantité d'énergie par rapport aux nécessiteux. Deuxièmement, c'est le réseau électrique vétuste. Pour cette première raison, bon nombre de personnes croyaient qu'on avait commencé à utiliser l'énergie provenant de la centrale Rusumo Falls et celui de Kabu 16, mais aussi l'énergie additionnelle provenant de la centrale de Ruzibazi. Voilà comment la situation se présente. C'est vrai, les travaux sur la centrale Rusumo Falls qui alimente trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, semblaient avoir été achevés ces derniers jours. L'énergie avait même été injectée dans les réseaux de ces trois pays pour le partage. Mais il est survenu des difficultés. Toutefois, nous avons discuté avec les personnes chargées des travaux. Ils ont indiqué que le matériel nécessaire est déjà disponible. Le problème est en train d'être résolu de telle façon que la semaine prochaine, on puisse commencer à utiliser cette énergie. Elle sera additionnelle à celle qu'on a déjà. Ainsi, le problème de coupure d'eau courante sera considérablement résolu. Je vous ai dit qu'il y a une autre cause à l'origine de coupure d'eau courante électrique. C'est la vétusté du réseau électrique et surtout en mairie de Bujumbura. Cela date des années 1960. Nous avons un espoir et je vous rassure que les études avancent pour pouvoir renouveler ce réseau. Nous avons déjà une organisation qui est déjà à l'œuvre pour cette activité. Et comme cela, ce défi lié à la coupure d'eau courante sera résolu. Le ministre Ibrahim Ouizeye a été traduit en français par Alain Désiré Boukenetsa. Isanganiro, la radio de l'avenir. Cap sur Mubanza où trois membres du comité de gestion de la coopérative Rumuri Mwiterambere du village 6 de la commune Gihanga en province Mubanza sont en cachette il y a plus d'une semaine. C'est après leur destitution vers la fin du mois dernier, accusés de mauvaise gestion dans la coopérative. Les témoins sur place disent que la destitution de ces trois responsables avait échoué plusieurs fois. Le gouverneur Cléophas Ndigimana dit ne pas comprendre pourquoi ils ont fui les États avec Space Caritas Kabanyana. Les trois membres du comité de la coopérative Urumuri Mwiterambere du village 6, une coopérative qui relève de la Société régionale de développement de la plaine d'Olimbo, SRDA en sigle, ont été destitués de leurs fonctions vendredi le 28 juin dernier lors d'une assemblée générale. Une assemblée qui était rehaussée par le gouverneur de la province de Mubanza, étant donné que la destitution de ces trois hommes avait raté à plusieurs reprises, car beaucoup de membres s'étaient opposés à cette destitution, selon les témoins sur place au village 6. Après avoir été limogés, les trois membres du comité vivent en cachette, car ils ont pensé à une éventuelle arrestation par des policiers qui étaient à bord d'un véhicule et qui sont passés dans ce village selon des proches de leur famille, ce qui est démenti par les autorités administratives qui précisent que c'était un véhicule qui était de passage. Les sources sur place dans ce village disent également que cette coopérative connaît des problèmes de mauvaise gestion des fonds depuis quelques années, ce qui a fait que les membres se disloquent en deux groupes opposés. Le gouverneur de la province de Mubanza, Cléophas Nizigimana, dit ne pas comprendre pourquoi ces trois hommes destitués ont fui puisqu'ils n'avaient aucun problème, à moins qu'ils s'accusent de quelque chose. Space Caritas Kabanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana de Mubanza. Rendons-nous à Kayanza, où les agriculteurs en cette province grognent que les semences hybrides du maïs coûtent énormément cher. Il donne l'exemple d'un kilogramme de semences du maïs hybride de type PAN 53 qui coûte 20 000 francs burundais au moment où ces mêmes semences, si elles sont subventionnées, ne coûtent que 5 000 francs. Ces agriculteurs indiquent que les intrants agricoles ne sont pas encore disponibles pour cette saison culturelle, c'est en cours. Adeline Nyonsaba, directeur du bureau provincial en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage, ne promet pas la disponibilité de ces semences de maïs subventionnées, mais tranquillise que la distribution des intra-agricoles commence ce jeudi de la semaine en cours. Patrick Senghium va nous donner les détails. Certains de ces agriculteurs en province Kayanza qui disent que les semences hybrides du maïs coûtaient cher au marché, nous les avons rencontrés dans le marais séparé les quartiers Gati et Mukoro de la ville de Kayanza. Ils nous ont indiqué par exemple que les semences hybrides du maïs de type PAN 53 coûtent plus de 20 000 francs le kilogramme et que les semences hybrides du maïs dite Bazoka coûtaient plus de 10 000 francs le kilo. Ces agriculteurs à Kayanza grognent que l'année passée en cette même saison culturelle C, les mêmes semences s'achetaient à 5 000 francs le kilogramme quand le gouvernement burundais avait importé les les semences subventionnées du maïs. Ces agriculteurs disent d'ailleurs qu'à cause du manque des moyens pour s'acheter des semences hybrides, ils préfèrent semer des semences du maïs qu'ils ont récoltées les dernières saisons, lesquelles semences ils dénomment Jujuta en Kirundi. Les agriculteurs de la Kayanza demandent au gouvernement burundais de disponibiliser des semences sélectionnées et des intrants agricoles pour leur permettre de semer à temps pour avoir un bon rendement agricole aussi. Au niveau du bureau provincial à Kayanza en chargé de la protection de l'environnement agriculture et élevage, on dit que pour la question de semences subventionnées du maïs, on ne peut pas donner une promesse aux agriculteurs quant à leur disponibilité, mais plutôt Adeline Nyonsaba, directeur à ce bureau, demande à ces mêmes agriculteurs de faire recours aux semences du maïs multipliées localement au Burundi. Pour ce qui est des intrants agricoles, Adeline Nyonsaba, directeur à ce bureau, tranquillise qu'ils sont déjà disponibles dans des hangars de stockage et que la distribution commence bientôt jeudi la semaine en cours. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Page coopération à présent, l'Union européenne aux côtés du gouvernement burundais s'est engagée à promouvoir les droits des femmes dans le but d'éradiquer les violences basées sur le genre. Cela a été dit par l'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne au Burundi en commune Bugendana dans la province de Gitega à la troisième journée de la caravane organisée par l'Union européenne. Elle ajoute que l'Union européenne contribue aux formations et sensibilisations visant l'autonomisation et la dignité des femmes. Le gouverneur de la province de Gitega, Vena Maniramona, se réjouit des améliorations et changements positifs dans ce secteur d'où les femmes et filles osent dénoncer toute violation basée sur le genre. Ornella Mucho suit pour nous cette caravane. La caravane de ce mercredi était centrée sur la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre au centre de santé de Bugendana en montrant que ces violences plongent les femmes dans la discrimination. À cette occasion, l'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne au Burundi, Elisabetta Pietrobonne, indique que plusieurs initiatives ont été lancées pour soutenir les femmes au Burundi, notamment contribuer à la formation de plus de 600 prestataires de soins sous la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et le soutien de plus de 1200 femmes membres des coopératives. La lutte contre les violences basées sur le genre, c'est un thème qui nous tient vraiment au cœur comme Union européenne avec nos pays membres, mais on voit bien que l'intérêt et l'importance du sujet est partagé aussi au Burundi. Et on travaille aussi beaucoup avec la société civile, des organisations de la société civile, parce qu'on pense qu'eux aussi sont des acteurs qui peuvent aller en profondeur avec les populations. Et je voudrais mentionner enfin aussi l'Observatoire national contre les BBG, qu'on a contribué à financer, qui a démarré en décembre 2020. Le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, affirme qu'il y a des avancées significatives dans sa province en matière de lutte contre les violences basées sur le genre grâce au programme du gouvernement appuyé par différents partenaires, dont l'Union européenne. Auparavant, les victimes des violences basées sur le genre avaient l'habitude de ne pas parler. Mais pour le moment, celui qui est victime, il est prêt à approcher les services habilités pour lui venir en aide, même si nous voyons qu'il y a une petite partie de la population, surtout les hommes, qui n'osent pas parler pour ne pas montrer leur faiblesse, je peux dire ainsi. Nous avons d'autres centres qui ont été créés par le gouvernement, mais qui sont appuyés par différents partenaires, comme le centre Oumoura de Gitega. Nous félicitons d'ailleurs la coordination de ce centre, mais aussi nous félicitons les partenaires techniques et financiers, puisqu'on a beaucoup de défis qui étaient auparavant, mais pour le moment, qui ont été surmontés. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours ou qui sont passés, qui ont été financés par les partenaires de l'Union européenne. Nous sommes très reconnaissants qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. L'Union européenne vise à ce que 85% des actions financées soient sensibles au genre, comme l'ont souligné l'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne au Burundi et son homologue allemand. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi nous parle des messages qui appellent au soulèvement. Lorsque des problèmes persistent dans une communauté, ces messages sont propagés par des personnes qui se considèrent comme des détenteurs de sédition, dénigrant ainsi la personne censée trouver des voies de sortie, explique Rémi Havdalimana, expert en résolution pacifique des conflits. Certains des habitants de la commune Mugui en province Cibitoke, de même que l'autorité communale, affirment avoir entendu de tels messages. Chronique, parle, rassure-moi. Avec Mary Kanyang. Ces habitants de la colline Macha, en commune Mugui de la province Cibitoke, disent avoir déjà vécu et entendu de tels messages. Ils font référence à la sorcellerie et au vaccin. Une fois par exemple, on allait restaurer des élèves. Ceux-ci se sont divisés en deux groupes suite à la nourriture. Leurs parents leur avaient dit que ce sont ces repas qui seront source de malheur. Puisqu'ils ne connaissaient pas l'origine, au moment des repas, les élèves ont fui, d'autres sont restés. Lors des vaccins contre la poliomyélite, c'était dans tout le pays. Il y en a qui ont fait la contre-campagne. Il y a ainsi des enfants qui n'ont pas été vaccinés. De tels messages prennent source dans des défis qui hantent la société et qui persistent. Les auteurs de ces messages dénigrent l'autorité et ces messages divisent la communauté. Une explication de Rémi Havdalimana, un expert en résolution pacifique des conflits. Lorsqu'on parle de discours qui appellent au soulèvement, il faut d'abord comprendre le contexte. C'est-à-dire que dans la communauté, il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse. Et la manière donc de trouver ces réponses divise les bénéficiaires ou la population en deux catégories. La première catégorie étant celle qui se considère, disons, qui croit qu'elle maîtrise les contours de la question et par conséquent peut édicter ou orienter les solutions. La deuxième catégorie, c'est la population qui reçoit l'information ou qui est destinataire du message. Alors, ceux qui donnent les messages, à un certain moment, c'est une façon de dénigrer ceux qui sont censés donner les vraies solutions au problème. Ces habitants estiment que les auteurs n'ont d'autre visée que de diviser la communauté et pensent à leurs intérêts. Des points de vue partagés par cet expert qui informe que ces discours sont lourds de conséquences. S'il s'agit des questions très graves, questions qui sont en rapport avec la vie des gens, c'est-à-dire pour le cas du Burundi par exemple, lorsqu'on n'a pas de carburant, lorsqu'on ne sait pas se déplacer librement, si cette question n'est pas très bien traitée, les autres personnes mal intentionnées peuvent profiter de l'occasion pour donner pistes de solutions qui ne sont pas pacifiques. Lorsqu'on est déjà dans le discours de soulèvement, c'est que l'on a déjà quitté le terrain de résolution pacifique des conflits. On est déjà sur le terrain de violence. Les violences peuvent être au niveau verbal, mais si ça dégénère, que ce soit dans les actions, là c'est catastrophique parce que c'est les gens qui s'entretuent. Il n'y a pas de conséquences légères lorsqu'il y a la violence. Melkiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugui, fait savoir qu'en période électorale, l'on sent ces messages et des réunions de pacification sont organisées. Rémi Havdalimana, expert en résolution pacifique des conflits, suggère aux responsables de toujours penser aux voies de sortie et privilégier un terrain d'entente et ainsi barrer la route au message de soulèvement. Merci à Miri Kanyang, et c'est par ici que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Les habitants de la capitale économique Bujumbura, surtout ceux qui exercent des activités génératrices de revenus nécessitant le courant électrique, déplorent toujours des coupures intempestives de cette énergie. C'est au moment où les autorités du secteur d'énergie ne cessent de promettre que cette question va trouver solution, mais en vain. Les agriculteurs de Kayanza déplorent le manque de semences sélectionnées de maïs et les intrants agricoles en cette période de la saison culturelle C. Mais le directeur provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza tranquillise. Et la chronique « Parle, rassure-moi » de ce mercredi nous a parlé des messages qui appellent au soulèvement. Merci d'avoir suivi cette édition. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Bonne suite de programme sur Sanganiso. Isanga.